Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archigrand.org. Ou peut-être Archiduchesse, sont-elles sèches? Archisèches? Belle bonjour. Bonjour. Oui. Et beau fourche-langue. Et premier gadin de la matinale. Bonjour, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Bonjour Clara Lange. Bonjour. Bonjour Rudy Lesselier. Bonjour Seigneur Perrigo. Et bonjour Jonathan, à distance, toujours avec nous. Et Camille. Et Camille. Camille qui a travaillé dur, puisqu'on l'exploite tellement. Voilà. Qui a fini son documentaire exactement à 4h du matin. Donc elle nous a dit qu'elle allait rester au lit ce matin et on la comprend. Repose-toi bien, Camille. Mais écoute-nous quand même. Et appelle pour le son mystère si jamais personne n'appelle. On espère que vous allez bien. Hier était une très, très belle journée. Et aujourd'hui, on va rencontrer Thomas Anker-Smith qui était venu au salon d'écoute hier à 22h30 pour faire une improvisation avec le synthétiseur Serge. Et puis juste avant, on entendait aussi un enregistrement d'Ivan Tcherepnin, donc le frère de Serge Tcherepnin, qui est l'inventeur du Serge, du synthétiseur. Vous me dites si je me trompe, puisque j'ai un peu découvert ce synthétiseur ici à Archipel. Je suis une novice en synthétiseur modulaire. Et donc, ça va être, donc Thomas Anker-Smith va être notre invité du jour et il va venir à la fois nous parler de sa pratique de musicien consacrée justement à l'usage du Serge, mais aussi plus largement, il va nous parler de cet instrument, de ses possibilités, de son histoire. Voilà, donc on se réjouit de le rencontrer très bientôt. Et puis, en deuxième partie, pour la plage, on accueille Anouk Janton qui viendra parler de son duo avec Lionel Marchetti qui jouera ce soir à 22h30 pour une pièce qui s'appelle Phasme. Au salon d'écoute qui est vraiment à l'honneur parce que le documentaire de Camille est au sujet de Asmar Hanem qui a diffusé une pièce il y a deux jours aussi au salon d'écoute. Donc on reste un petit peu dans cet univers ouaté, confortable, avec aussi une chronique qui risque de Doris et de Vincent de Roguin, qui risque de nous donner quelques petits frissons. Mais n'en dévoilons pas trop pour le moment. Et puis, on va peut-être lancer la capsule du résumé de la veille, la capsule Before. Archibrut. Ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti. Archi-stagiaire. Archi-pas cher. Archi-pas payé. Archi-exploité. Archi-abusé. Archi-paumé. Ça fait les deuxièmes 10 minutes. On joue juste de la grande cloche. De cette manière. La petite, gardez-la dans la main, vous ne sonnez pas. La petite, on peut la jouer. Et pour le troisième mouvement, dès que je commence à jouer un peu des deux cloches, aussi avec un peu la même désinvolture, vous pourrez faire pareil. Et ça va durer 10 minutes à peu près. Et à la fin, on lâche les cloches. Thank you. Merci beaucoup Sonia, Camille, pour cette capsule qui donne une sorte de paysage abstrait de la veille qui était très très beau. Merci. Mais alors c'est drôle parce qu'il y a des parties que j'arrivais à reconnaître. On a pu entendre des bouts du salon d'écoute, du partage d'écoute de Madeleine Leclerc qui partageait des enregistrements du MEG, qui sont conservés au MEG. Puis on avait le concert de Sarah Enise et la préparation du concert même, puisqu'elle avait demandé pour son concert que des gens du public jouent avec elle des cloches. Et donc je crois que c'est la voix d'Antoine Leng qu'on entend au début qui donne un peu l'explication aux autres. Mais alors après, je me suis demandé qu'est-ce qu'on entendait, Sonia. Alors, il y a toute une partie, les petits chut, chut. C'était ce qui se passait dans la salle, là où il y a le restaurant, enfin le bar et le café. Et c'était tout du long, c'était assez drôle parce qu'il y avait ce concert de Sarah à côté et tout le monde disait des chut, chut, chut. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre ça dans la capsule. C'est vrai qu'il y a ce truc un peu particulier ici, que le bar est juste à côté des espaces de concert et que tout est extrêmement réverbérant. Ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à demander au public, quand il est en train de picoler, de faire moins de bruit pour ne pas déranger les auditeurs et les auditrices, enfin les spectateurs et les spectatrices. Et puis, avec le dernier son, qui était un son de Madeleine Leclerc, qui était diffusé en haut, j'ai mixé Théo, qui était passé dans le studio de radio. Et il m'a fait un petit live avec capsule décapsulée. Et j'ai trouvé ça assez drôle de mixer les deux ensemble. Je voulais juste dire que je n'avais pas enregistré l'ensemble contre-champ, qui a quand même performé hier soir, et puis Thomas Ankersmith, mais je me suis dit que on pouvait mettre ses sons à un autre moment. Voilà. Ouais, j'aimerais que Thomas vient d'arriver, d'ailleurs il passe la porte maintenant, du coup il sera présent de toute manière avec nous pendant 35 minutes en tout, je crois. Et puis on peut passer maintenant à l'écoute du son mystère. Aujourd'hui c'est un son de l'artiste radiophonique Adrien Chevrier, et on écoute. T'allais dire quelque chose. J'allais dire que les klaxons sont vraiment des indices notables. Mais je ne sais pas si c'est des indices ou si c'est assez perturbant, mais j'ai l'impression que c'est un son qui est trouvable. Donc ruez-vous à vos téléphones, c'est vraiment votre chance aujourd'hui de pouvoir gagner un repas et un concert, et une place de concert, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est un son qui est assez parlant et qui peut quand même, il y a des bonnes pistes pour trouver. Et pour participer, il faut composer le 078 244 57 54 et puis appeler autour de 11h10. 11h10, exactement. Voilà, donc vous avez le temps de réfléchir. et en attendant, peut-être qu'on peut passer à la chronique de Doris avec Vincent de Roguin. Je préfère ne pas vous en dire plus et vous laisser découvrir.